chaque jour est toujours un très long combat. Il faut se battre tour à tour et surtout pas baisser les bras. Il faut bien être vécu, même si on croit tout perdu. Tout faire pour nous-mêmes, mais surtout pour se connaître. C'est comme une chanson, ça se chante à chaque saison. On a tout au fond du cœur des souvenirs qui nous font peur. L'amour c'est comme un champion qui gagne à chaque compétition. Il est toujours le meilleur. Se chante.